Lourd, lourd, lourd, tax, lourd, lourd, lourd, belle fortune, belle fortune, lourd, lourd, prisonnier à elle, lourd, lourd, schizophrène, schizophrène, de la tête aux pieds, il est temps de briser mes fers, sur disque ou sur scène, les gens disent qu'il faut comment faire. Rappeur est fier, pour que je ferme ma gueule, faudra commentaire. Laisse-moi faire mon peurage, m'en pas l'écoute tes commentaires. I'm a soldier, fuck le service militaire, préfère être millionnaire. Parle de 6 gros, je vais pas dans le détail, gros. Que du lourd, que du gros, je veux le salaire à Samuel Eto'o. Écrasement de tête de cette balance, resserre les taux. Mental d'acier, je passe pas les détecteurs de métaux. Aucun droit de veto, l'avenir me craint car je me lève tôt. Oui, si, si, que des gros sons crient. Insomnie, ce qui est touchy toute la nuit. Invincible armada, invisible au radar. Imbécile, pense l'intro en guise de missile. Fidèle à ma plume, ton flot est mort. Jette l'enclume, qui veut la paix, prépare la terre dans la brume. Pas la nocturne, viens par là que je me fie des burnes. Tu peux entendre mes héros de la luna hurler sous la lune. J'entends tout part que le savoir est une arme. Mais ça défouraille plus d'une tasse. Mon esprit peut partir en couille, mais devant eux, je perdrai pas la face. Je t'explique cousin, ton rap est tellement naze que même rap genius trouve pas de sens à tes phases. J'suis le MC qui défie quiconque, baisse les sages qui freinent pour King Kong. J'ai pris tes couilles pour jouer au ping pong. J'suis pas disque d'or, j'suis disque de béton. Il faut des thunes, aucun souci, j'laisse pas béton. Niquez leur buzz, ils m'en foutront avec un litron. Personne peut m'abattre, c'est ce qu'on pense avant le béton. Tu meurs Mossad, j'ai pas le cafard mais le bourdon. Serre-moi un verre de Jack et de fond. Mon corps est plein de vis et de coutron. Dites au major qu'il me signe maintenant et puis après non. Ils diront qu'ils veulent la guerre, ça oui mais la paix non. Les jaloux vivent sans ambition, rêve de me saigner pour enfin sortir de la pénombre. Expert en démolition, je règne sur le peurat, tu peux appeler ça une domination. Flot d'un PKP, jamais à court de munitions. Si l'état arrêtait les divisions, serait peut-être plus qu'une domination. Les poussards demandent une trêve, enculé c'est marche ou crève. En ce qui me concerne, la confiance me réserve. J'suis tellement bon que j'suis high, les rageux pique mes rimes. Toutes les balles dirigent vers moi, appelle-moi, jack mes rimes. Yeah. Lourd, dingue, lourd, lourd, lourd, dingue, lourd, lourd, lourd, dingue, lourd, lourd, lourd, dingue, lourd.